Bonjour à tous, mon nom est Thomas Dano. Et ceci est mon podcast. Je suis présentement spécialiste médias sociaux chez Adviso. Adviso est une boîte de stratégie et conseil web. Donc sur ce, bonne écoute. Aujourd'hui, étant donné que c'est mon premier podcast, je vais parler bien sûr de pourquoi ce podcast. Je vous avouerai que l'idée de partir un podcast m'est venue surtout après que j'avais vu qu'il y a des podcasts québécois sur les médias sociaux, il n'y en avait pas tant que ça. Surtout en français. C'est de là qu'est venue l'idée de partir un podcast sur les médias sociaux. Je ne sais pas encore vraiment sur quoi vont porter mes sujets, mais principalement sur la gestion de communauté et sûrement sur les stratégies médias sociaux. Donc, un peu ce que je fais à tous les jours pour ma job. Pour ceux qui sont tombés sur mon podcast par hasard par un de mes liens Twitter ou Facebook, un podcast est souvent comme un show radio enregistré qui peut être écouté n'importe quand, que le monde peut s'abonner, le suivre et pas mal ça. Souvent sous la forme de la discussion, les podcasts permettent souvent de juste avoir un contenu différent de la lecture. Et pour ceux qui aiment courir, par exemple, moi je cours souvent avec mes podcasts, donc je trouve que c'est un format d'écoute très utile pour certaines tâches. Offert sous format vidéo et audio, vous avouerez que j'écoute pas vraiment de podcasts vidéo, mais il y en a aussi. Il en existe sur beaucoup de domaines. Pour ceux qui veulent un peu braser dans le tout, allez tout simplement sur le iTunes Store et cliquez sur Podcast. Vous allez voir qu'il y a plusieurs radios officielles mettre des shows radio en ligne. Il y en a sur le marketing, la musique et vraiment tous les sujets. Pour ceux qui se demandent au Québec, il y a aussi plusieurs podcasts au Québec. Je vous avouerai que j'en écoute pas beaucoup. Par contre, j'écoute souvent celui de Laurent Lassalle à mesparolessenvolent.com et celui de Fauve Doucet à fauvedoucet.com, qui sont deux amis proches. Donc, je vous encourage d'aller les voir. Tant qu'à parler de promotion, je vous invite bien sûr à vous abonner à mon podcast sur iTunes ou vous abonner tout simplement à mon blog pour être tenu au courant des mises à jour de ce podcast. Ce que je conseille pour la gestion des podcasts est bien sûr iTunes, car celui-ci est pratique et permet de facilement voir les nouveaux épisodes de vos podcasts favoris. Maintenant, si on parle un peu des podcasts et les médias sociaux, ma question étant, est-ce que les deux vont bien ensemble? Je vous avouerai que c'est un format qui se prête beaucoup moins à ce qu'on est habitué de voir. Étant donné que qu'est-ce qu'on voit souvent, c'est des tweets qui sont très courts ou des statuts Facebook qui sont encore courts ou même des photos qui ne prennent pas de temps à vraiment regarder. C'est comme, étant donné que c'est encore plus long qu'une vidéo dans la plupart des temps, c'est pas un format que les gens vont souvent apprécier en tant que tel puisque ça prend trop de temps à écrire. Puis c'est pas tant que ça divertissant si on compare à une vidéo qui peut être long mais qui au moins t'as les images. Même que je pense que c'est extrêmement rare que j'ai vu des podcasts dans des stratégies médias sociaux. Vous avez souvent des individus qui, à leur nom, font des podcasts. Ou lorsque vous êtes une entreprise qui produit des contenus audio, alors là, peut-être je le recommanderais, mais sinon, je bâche un peu peut-être sur les podcasts, puis en même temps, j'essaye d'en commencer un. Donc, c'est un peu bizarre, mais je pense que c'est un format que, par ceux qui est apprécié, il est quand même bien apprécié. C'est comme un format niche, on peut dire. Maintenant, si on parle de ceux qui voudraient avoir plus de podcasts sur les médias sociaux, eh bien, étonnamment, j'ai écrit un billet dernièrement là-dessus où j'en conseillais 5. 5 que j'aime beaucoup et que je lis souvent. Pour en venir au sujet de mon podcast, ça va parler surtout des médias sociaux et de gestion de communauté. Avez-vous déjà remarqué comment le terme médias sociaux se dit extrêmement rapidement? Médias sociaux. Et comme c'est toutes des S qui se suivent, des S et C, ça fait très bizarre à dire. Mais bon, c'est pas important. Ce que vous pourrez trouver dans ce podcast, je vais essayer de vous avouer de trouver des invités parce que c'est toujours plus plaisant que parler tout seul, comme on en dit. C'est un style en soi, se parler à soi-même, mais en même temps, c'est moins interactif. Et qui dit interaction dit 2.0. Et qui dit 2.0 dit Oh my God! Donc, sur ce, j'ai fini mon podcast pour cette semaine. Le prochain sera peut-être la semaine prochaine ou peut-être dans 2 semaines. Je n'ai pas vraiment encore décidé de l'horaire de planification. Mais en soi, je vous souhaite une bonne semaine. Merci de m'avoir écouté. C'était Thomas Dano.